Tu as le groove en toi. Alors écoute, Funky Brewster. Ce matin, réveil un peu dur. Drap qui colle et je bave dur. Puis debout jusqu'à la fenêtre. C'est la question, être ou ne pas être. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale et puis pas de pain. Un monsieur dehors en imper jaune. C'est des Miss Rousseau ou bien son clone. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale depuis ce matin. Ce matin. C'est là, il ne bouge pas. M'en fous, je fais celui qui ne le voit pas. À peine le temps de fermer la fenêtre, j'entends un bruit craqué de crête. Charlie Oleg bouffe mes craquettes. Yvette Horner joue de ma gratte. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale et puis pas de nain. Pas de nain. Je vais à la douche, plus d'eau chaude, c'est louche. Manu Dibango qui a tout pompé, petit dop, il m'a tout vidé. Bruit urbain et petit marsouin, mon bol est sale, ben ça fait rien, ça fait rien. Glenn Medeiros utilise ma mousse, Rufus se prélasse dans un bain de mousse. Quelle odeur s'échappe des chiottes, Acelio qui chic, elle fiotte. Elle m'a fini tous mes mots croisés. Solutions sont pour se torcher. Ça pue, ça chlingue, ça moukte. Ça moukte. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale, toujours pas de pain. Faudrait au moins que je m'habille. Mal au crâne, je prends une pastille. Je me retrouve à poil devant Zitrone, qui commande les images du striptease. J'ai passé l'âge. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale et j'ai l'air malin. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale vivement demain. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale vivement demain. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale vivement demain. Bruit urbain et petit marsouin. Mon bol est sale vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain. Vivement demain.